إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، وإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. Donc, ça me fait plaisir aujourd'hui d'être avec les frères de la ville de Mons. Hein, c'est la ville de Mons ici, ou Glin. Hein? Glin, et na'am. Dans cette mosquée, que Allah subhanahu wa ta'ala yani, vous donne le tawfiq et vous aide et vous supporte dans vos efforts pour faire avancer cette da'wa al-mubaraka. Donc, alhamdulillah, j'ai pensé à lire avec vous aujourd'hui une risala d'un des grands parmi les tulab ilm de notre époque, un des élèves des grands ulama qui s'appelle Khalid al-Zufairi. C'est un élève de Cheikh Rabi' et un élève de Cheikh Obeid et un élève de d'autres également parmi les mashaykh. Et donc il a écrit un livre qui est très bénéfique. Et ce livre s'intitule Ijma' al-Ulama 'ala al-Hajr wa al-Tahdhir min Ahli al-Ahwa, c'est-à-dire le consensus des ulama au sujet du Hajr, c'est-à-dire du fait de boycotter ou de s'écarter, et du fait de mettre en garde contre les gens de la passion. Et quand on dit les gens de la passion, on parle des gens de bid'ah, parce que les gens de bid'ah suivent leur passion. Les gens de bid'ah sont des gens qui suivent leur passion. Parce que toute personne qui oppose le Coran et la Sunna, il oppose parce qu'il a suivi sa passion. Et naam. Donc, ce livre, il a été préfacé, où il y a une introduction de plusieurs shuyukh, de plusieurs ulama qui ont témoigné que son contenu était un contenu qui était très bénéfique et très important. Et parmi les ulama qui ont écrit une introduction à ce livre, il y a le Cheikh Rabi ibn Hadi al-Madkhali, hafizahullah, et le Cheikh Zayd ibn Muhammad ibn Hadi al-Madkhali, hafizahullah, également le Cheikh Ubaid al-Jabiri, hafizahullah. Donc ces trois parmi les ulama de notre époque ont écrit des introductions pour le livre. Donc inshallah, on va lire une d'entre ces introductions là pour pouvoir inshallah rentrer dans le livre tout de suite, pour pas prendre trop de temps, parce que si on lit les trois introductions, ce serait long. Je pense que celle de Cheikh Arabi, c'est la plus complète de ces trois introductions-là, donc je pense que c'est bénéfique de la lire, inshallah. Donc le Cheikh, il dit Bismillahir Rahmanir Rahim, Alhamdulillahi wa salatu wa salamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah. Amma ba'd, fa inna Allah ibta'atha محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، فأخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور، ظلمات الجهل والشرك والهوى. فما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أكمل الله به الدين وأتم به النعمة على هذه الأمة التي هي خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. ولقد تركها على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وكم ترك لهذه الأمة من الضمانات من الضلال لمن وفقه الله ووفقه لفهم كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ووفقه لفهم السنة التي هي البيان والتوضيح لما اشتبه أو أجمل من الكتاب، كما قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. ووفق للاعتصام بهما والعض عليهما بالنواجذ. Donc le cheikh il commence par le nom d'Allah, il dit Bismillah, Rahman Rahim, louange à Allah, et paix et salut sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et sur ses fidèles et sur ses compagnons et ceux qui le suivent, hein, ceux qui suivent sa guidance. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé son messager avec la guidance, avec la religion de vérité. Et il a fait sortir les gens des ténèbres à la lumière. Les ténèbres de l'ignorance, les ténèbres du shirk, les ténèbres de la passion. Alors, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas mort tant que sa religion, la religion d'Allah, soit complétée par celui-ci. Et qu'il ait complété sa grâce sur cette umma, qui est la meilleure umma qui est venue pour les hommes. Elle ordonne le bien et interdit le mal. Et il l'a laissé sur une voie claire, éclatante. Hein, une voie qui est illuminée, et le jour et la nuit sont pareils, tellement qu'elle est claire, et nul ne s'en écarte excepté quelqu'un qui va vers sa perdition. Et le cheikh explique que Allah subhanahu wa ta'ala a laissé pour nous beaucoup de garanties et beaucoup de choses qui nous protègent de l'égarement. Hein, pour celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné le succès, pour celui à qui Allah a donné le succès de la compréhension du livre d'Allah, qui ne peut être approché par le faux, ni par devant, ni par derrière. Il a donné le succès également, pour celui à qui il a donné le succès de comprendre également la sunnah du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui vient expliquer et clarifier ce qui a été équivoque ou ce qui est mentionné de façon générale ou globale dans le Coran, eh bien la sunna vient clarifier ça et restreindre son sens général pour faciliter et clarifier sa signification. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ça dans le verset 44 dans sourate An-Nahl: et nous avons fait descendre sur toi le rappel pour que tu expliques aux hommes ce qui a été révélé sur eux. Et il a donné le succès également, hein, et pour qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné le succès de se cramponner à ces deux sources, le Coran et la Sunna, et de mordre dans ces deux références, dans ces deux sources, avec ses molaires. Et il dit: ووفق للسير على منهج السلف عقيدة وفقها وأخلاقا وحذر من البدع وحذر منها بعد معرفة خطورتها على هذه الأمة وبعد وعيه للنصوص القرآنية والنبوية التي تحذر من شرها وخطرها، مثل قول الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ومثل ذمه تعالى لأهل الزيغ بقوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآيات ثم قال: فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. Donc le cheikh il dit que également parmi les choses que Allah subhanahu wa ta'ala a fait, c'est qu'il a donné également les moyens nécessaires à celui à qui il a donné le succès pour suivre cette méthodologie qui est la méthodologie des salaf dans leur aqidah, dans leur fiqh, dans leur akhlaq, dans leur comportement, et pour la personne donc qui fait attention de tomber dans les bid'ah et qui met en garde contre les bid'ah, hein, après avoir su le danger que les bid'ah représentent pour cette umma, et qui fait en sorte que la personne s'écarte, hein, de ces innovations là et le fait de comprendre, d'avoir la compréhension des textes du Coran et de la Sunna qui mettent en garde contre le danger de la bid'ah et contre le mal qui est dans la bid'ah. Par exemple, le cheikh il cite le verset 21 dans Surah Shura, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit: est-ce qu'ils ont des partenaires qui légifèrent pour eux de la religion ce que Allah n'a pas permis, hein? Et donc dans ce verset Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la clarification en fait que ceux qui font des innovations dans la religion, ils sont en train de légiférer, ils sont en train de faire des lois religieuses qu'Allah n'a pas permis. Donc c'est comme s'ils s'approprient un des droits exclusifs d'Allah subhanahu wa ta'ala de légiférer. Et ils légifèrent dans qu'est-ce qu'il y a de plus pire, c'est-à-dire dans l'adoration. Hein? C'est plus grave que celui qui légifère dans les lois de la dunya. Hein? Comme les laïcs, par exemple, qui ont fait des lois dans la dunya. Ça, c'est grave. Hein? C'est kufr et shirk. Mais celui qui légifère en plus dans l'adoration, hein, ça c'est encore plus grave. Parce qu'il fait ça au nom de la religion. Tandis que les autres, les laïcs, quand ils légifèrent, ils ne font pas au nom de la religion. Donc les gens qui légifèrent dans la religion, c'est encore plus dangereux parce qu'ils égarent plus facilement les gens. Hein? Et c'est qui font ça? C'est les mubtadi'ah. Hein? Les gens de bid'ah, les groupes de bid'ah. Parmi ceux qui appellent à l'égarement, comme les chiites, les rafidah, les khawarij, les mu'tazila, et ainsi de suite, les ikhwan et autres, ils innovent dans la religion, ils légifèrent des lois au nom de l'islam. Ils se donnent le droit de légiférer et d'inventer des lois religieuses. Ça, c'est un verset qui clarifie ça. Hein? Et il mentionne un autre verset également qui blâme les gens de déviation. Hein? Et c'est le verset 7 dans Surat Al-Imran, qui est un verset très important, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie, et c'est lui, c'est-à-dire c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a révélé sur toi le livre. Parmi ces versets, il y en a qui sont muhkamat, c'est-à-dire qui sont clairs et explicites, hein, qui ne peuvent être compris ou interprétés que d'une seule façon. Et d'autres, et ces versets-là sont Ummul Kitab, c'est-à-dire c'est la base du livre. Tandis que d'autres versets sont Mutashabihat, c'est-à-dire qu'ils sont équivoques. Ils peuvent avoir diverses interprétations. Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie: et ceux qui ont une maladie de déviation dans le cœur, eh bien, eux, ils suivent par exprès ces versets qui sont équivoques, en cherchant. يعني ابتغاء يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة. Ils cherchent à faire la discorde, la dissension, le désordre. وابتغاء تأويله. Donc ils cherchent à essayer de les déformer, de les falsifier dans leur sens. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به. Donc et nul ne connaît son explication ou son interprétation excepté Allah, et ceux qui sont fermement enracinés dans la science disent: nous y croyons, tout cela vient de notre Seigneur. وَمَا يَذَّكَّرُوا إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ. Donc la façon des rasikhuna fil ilm, c'est-à-dire des ulama, vis-à-vis des versets qui sont mutashabihat, c'est-à-dire des versets qui peuvent être interprétés de diverses façons, c'est de les ramener aux versets qui sont muhkamat. Donc les versets qui sont mutashabih, qui sont mutashabihat, de les ramener aux versets qui sont muhkamat pour les clarifier, pour les comprendre, hein, et de ramener également à la sunna, hein, les versets qui sont yani général et qui sont, qui peuvent être interprétés de façon diverse de, et qu'on n'est pas capable de les comprendre par eux-mêmes, on les ramène à d'autres ayats dans le Coran qui sont clairs, qui viennent les clarifier et qui viennent restreindre leur compréhension et ramener leur compréhension à quelque chose de plus précis, ou bien à des hadiths de la sunna qui viennent les clarifier également. Et qui est capable de faire ça? C'est les ulama, hein? Tandis que les gens de bid'a, eux, non, ils les prennent tels quels et ils se permettent eux-mêmes de les interpréter soi-disant leur logique, ou bien leur raison, comme ils prétendent, ou bien selon leur passion en général, puisque c'est la réalité qu'est-ce qu'ils font. Et parfois, ils vont nommer leur passion, ils vont l'appeler raison, pour essayer de faire en sorte que les gens l'acceptent, alors qu'en réalité, c'est pas basé sur aucune raison. Et le cheikh, il dit également que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, quand il a récité ces versets-là, il a dit ensuite: lorsque vous voyez ceux qui suivent ce qui est équivoque dans le livre, parmi les versets, alors ceux-là sont ceux que Allah subhanahu wa ta'ala a nommés. Alors prenez garde à ceux-là. Donc ça, c'est les exemples d'avertissement qui sont venus dans le Coran à propos des gens de bid'ah, et dans la sunna également. Il y en a plein comme ça. Le cheikh il dit: فبين الله سوء مقاصدهم وأنهم يتبعون المتشابه لهدف خبيث وهو ابتغاء فتنة الناس وإضلالهم. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a expliqué les mauvaises intentions de ces gens-là, les mauvaises intentions de ces gens de bid'ah et de passion. Et c'est que ils suivent ce qui est équivoque dans un but qui est sale, qui est mauvais, et qui est de rechercher à créer la discorde et la dissension et le désaccord, et de corrompre la religion des gens et de les égarer. Hein? Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a clarifié ça dans ce verset et il nous a mis en garde à ce sujet-là. Il dit ensuite: وَحَذَّرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُمْ بَعْدَ أَنْ بَيَّنَ عَلَامَاتِهِمْ وَهِيَ اتِّبَاعُ الْمُتَشَابِهِ. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a aussi avertis contre eux après nous avoir clarifié leurs signes, hein, et leurs caractéristiques, et parmi ces caractéristiques le fait de suivre qu'est-ce qui est équivoque. Après il dit: وَكَمَا دَلَّ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةِ عَلَى شَنَاعَةِ الْبِدَعِ وَشَرِّهَا وَقُبْحِهَا أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى اخْتِلَافِ اتِّجَاهَاتِهِمْ وَطَوَائِفِهِمْ عَلَى مُحَارَبَتِهَا وَأَهْلِهَا وإن اختلطت الأمور على كثير منهم فوقعوا في البدع يظنونها من الهدى الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم لذا ألف الناس على اختلاف مشاربهم كتبا في محاربة البدع وعلى رأسهم أئمة السنة شحنوا كتب السنة والعقائد بتقبيح البدع والتحذير منها. Le cheikh il dit que également yani, donc c'est prouvé également dans plein d'autres versets dans le Coran et dans la sunna qui expliquent la laideur des bid'ah et le mal qu'il y a dans la bid'ah, et les musulmans sont tous d'accord, peu importe leur tendance ou leur groupe, sont tous d'accord sur le fait de combattre la bid'ah et les gens de la bid'ah, même si certains d'entre eux ont été mélangés eux-mêmes et sont tombés dans la bid'ah eux-mêmes en pensant que c'était la guidance qui est venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui a été ramené par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais ils sont tous d'accord pour les combattre, et il dit que les gens ont écrit des livres à ce sujet-là, des livres pour combattre la bid'ah. Et ils ont tous déclaré la guerre à la bid'ah. Et à la tête de ceux qui ont écrit à ce sujet-là, bien entendu, il y a les imams de la sunna. Et donc, ils ont écrit des livres, hein, au sujet de la sunna, au sujet de la aqidah, pour montrer la laideur des bid'ah et pour mettre en garde contre les innovations. Et leurs livres à ce sujet-là sont diverses. Et on les retrouve sous différentes formes. C'est-à-dire ces livres-là se retrouvent sur différents styles ou différentes formes. Différentes formes. فمنها ما يركز على التأصيل لدحض البدع. Parmi les livres des ulama d'Ahl Sunnah qui réfutent la bid'a, il y en a qui utilisent comme méthode ou comme principe le fait d'établir les bases de la Sunna dans le but de détruire la bid'a. Donc ces ulama-là vont énumérer les fondements et les preuves du Coran et de la Sunna qui viennent détruire les fondements des gens de la bid'a. Ça, c'est une méthode parmi les méthodes qu'on trouve dans les livres des imams de la Sunna. ومنها ما يسرد الحوادث سردا. Parmi les méthodes également qu'on retrouve, il y en a qui ne font que énumérer les hadiths et mentionner les hadiths les uns après les autres. Hein? Et donc dans ces hadiths-là, il y a bien entendu les preuves de la fausseté de ce que les gens de Bid'a disent. ومنها ما يجمع النوعين. Et il y en a des livres qui réunissent les deux. Qui réunissent les deux. Il dit ونفع الله بهذه الجهود نفعا عظيما. وفي هذا العصر رافق البدع أساليب مبتكرة وأمور لم تعهد في العصور السالفة. Il dit que les gens de Bid'a ont toujours utilisé différentes méthodes pour essayer de propager leurs innovations, mais à notre époque, les Bid'a qui sont propagés par les gens de Bid'a se manifestent de façon qui était inconnue auparavant. Maintenant, ils commencent à adopter de nouvelles méthodes et de nouvelles façons de propager leurs innovations. Premièrement, « Minha anna ahl al-Bid'a » بأصنافهم كانوا ينحازون ويتميزون عن أهل السنة فيخف شرهم وضررهم نسبيا أما في هذا العصر فقد استطاع أهل البدع بكيدهم ومكرهم ودهائهم أن يتخللوا صفوف أهل السنة بل ويندمجوا في أوساطهم مما كان له الآثار السيئة الكبيرة ولا سيما في شباب الأمة ومثقفيهم ولا سيما في الجامعات والجوامع بل والبيوت بل والأسواق. Les cheikhs, ils disent, parmi ces différentes méthodes qu'ils ont appliquées à notre époque, c'est que dans le passé, les gens de bid'a, dans toutes les différentes sortes de bid'a qu'ils ont, eh bien, ils étaient souvent retirés, hein, et ils étaient entre eux, et ils se mélangeaient pas avec les gens de la sunna. Donc, le mal qu'ils avaient, hein, eh bien, il était limité en principe à eux-mêmes. Ils n'allaient pas aller fréquenter les gens de la sunna puis se mélanger avec eux. Ils restaient séparés. Et donc, c'était un mal qui était limité quand même, relativement. Tandis qu'à notre époque, les gens de bid'a ont réussi par les ruses et par toutes sortes de complots à s'infiltrer parmi les rangs des gens de la sunna et à s'intégrer parmi eux. Dans leurs associations, dans leurs organisations, dans toutes sortes de milieux où les gens de la Sunna sont réunis, ils se sont infiltrés dans ces groupes-là ou dans ces endroits-là, et ça a eu des impacts, des conséquences et des effets mauvais, très mauvais. En particulier parmi les jeunes de la Ummah et parmi les gens cultivés de la société, et en particulier dans les endroits où les jeunes se réunissent comme dans les universités et les endroits où les gens se retrouvent, se réunissent, et dans les maisons et même dans les marchés, dans les endroits publics. Et maintenant avec l'internet et avec tous les autres moyens qui sont disponibles, eh bien c'est encore plus pire. Tu vois maintenant dans les pays des gens de la sunna, eh bien, ils sont assis chez eux dans leur maison et puis ils allument le satellite, ils voient la télé des Rafidah qui rentrent dans leur maison directement, alors qu'ils sont dans un pays de la Sunna. Ça, c'est, ça nous montre les dangers que c'est, que ça représente, yani la façon dont ils peuvent propager maintenant leur bid'a même dans les maisons déjà de la sunna. Ça, c'est bien entendu lorsque les gens sont pas avertis au sujet du danger de qu'est-ce que ces bid'a-là représentent, et donc ils sont innocents, ils sont naïfs, et ils laissent, hein, la chance à ces gens de bid'a d'entrer chez eux. Le cheikh il dit deuxièmement, ومنها اختراع طرق ومناهج وقواعد للبس الحق بالباطل بل ليضحدوا بها الحق وليدحروا به أهله وليرفعوا من شأن الأهواء وأهلها ومن تلكم المناهج منهج الموازنات الذي يسمونه بالإنصاف والعدل لحماية البدع وأهلها ولمقاومة المنهج السلفي الذي ينصح للإسلام والمسلمين ويحميهم من الأباطيل والضلال والمبطلين والمضلين. Donc le cheikh il dit qu'ils ont également comme nouvelle méthode des règles qu'ils ont inventées, des nouvelles méthodologies pour essayer de recouvrir le faux par la vérité, le contraire en fait, de recouvrir la vérité par le faux pour confondre les gens, pour que les gens soient confondus, pour qu'ils ne soient pas capables de distinguer entre le vrai et le faux, et pour essayer d'écraser la vérité et les gens de la vérité, et pour élever la position et le respect qui, yani, des gens de bid'a, hein, et pour les élever. Parmi ces méthodologies innovées, il y a le manhaj qu'on appelle manhaj al-muwazanat. Manhaj al-muwazanat, le cheikh il dit, ça c'est un manhaj, si on veut le traduire littéralement, peut-être ce serait le manhaj du fait de faire preuve d'être équilibré dans la façon de juger, ou bien d'utiliser une approche qui est plus balancée, si on veut. Et ils appellent ça la justice, le fait d'être juste quand on critique les gens. Et le but de cette règle qu'ils ont inventée, c'est dans le but, bien entendu, de protéger les gens de bid'a. Parce que dans les sociétés ou dans les endroits où les gens sont purement sur la salafie et sur la sunna, eh bien, on peut dire que un mubtadi' ne peut pas rentrer. Un mubtadi' qui est sur une aqida qui est déviée, un manhaj qui est contraire à la sunna, il ne peut pas rentrer et commencer à prêcher. Donc, ils doivent trouver un moyen pour essayer de faire en sorte que ce mubtadi' entre sans qu'on s'aperçoit de sa bid'a, ou en cachant son égarement et sa bid'a, pour que quand il rentre, on ne pense pas à ça, on va penser à d'autres choses. Et ça, c'est donc une des méthodes qu'ils ont utilisées pour arriver à ça, c'est d'utiliser le manhaj de al-muwazanat. Et donc, c'est dans le but de protéger les gens de bid'a et pour opposer le manhaj salafi qui incite ou qui appelle à donner aux gens le bon conseil et à les avertir pour les protéger contre l'égarement et protéger contre les gens qui appellent à l'égarement et qui appellent à la fausseté. Donc, par exemple, si les gens sont sur la sunna et qu'ils aiment la salafia et qu'ils connaissent leur tawhid et qu'ils connaissent le danger des bid'as, ils ne veulent rien savoir des gens qui appellent à la bid'a des soufis, ou à la bid'a des asha'ira, ou à la bid'a des khawarij, ou à la bid'a des mu'tazila, ou des autres bid'a comme ça. Donc, étant donné qu'ils savent ça, ils vont essayer de mettre de l'avant autre chose. Ils vont dire, regardez, ces prêcheurs-là, ils font beaucoup de bien. Ils appellent les jeunes à revenir à la mosquée. Ils appellent les jeunes à lire le Coran. Ils appellent les jeunes à telle et telle bonne chose qui fait partie de l'islam. Et si par la suite tu découvres, tu vois que ces gens-là, en réalité, oui, peut-être ils appellent à ces choses-là qui sont bonnes, sauf que leur aqida est une aqida qui est en opposition avec la aqida des salafs dans le tawhid, qui est en opposition avec la aqida des salaf dans al-asma wa sifat, qui est en opposition avec la aqida des salaf dans al-amru bil ma'ruf wa nahi anil munkar, qui est en opposition avec le manhaj des salaf dans les questions qui ont rapport avec les fondements de la sunna, et que tu commences à mentionner ça et à mettre en garde contre ça, et bien là ils vont te dire ya akhi, il faut pas mentionner le mal, il faut voir le bien qu'ils font, hein. Quand tu parles de ces gens-là, il faut mentionner le bien, pas juste le mal, hein. Et ils vont te dire, il faut équilibrer et voir le bien qu'ils font aussi. Donc ça, c'est une ruse qu'ils ont inventée pour élever les gens de bid'a et faire en sorte qu'on les critique plus et qu'on dise rien contre eux, pour qu'ils puissent justement continuer à influencer les gens de la sunna pour les éloigner petit à petit de la salafia. Hein, et pour faire en sorte qu'ils peuvent continuer à faire propager leur méthodologie d'égarement et leur déviation chez le reste des musulmans en même temps aussi. Et donc, cette règle-là, c'est une de leurs règles, il y en a plein d'autres encore. Et c'est une règle qu'ils utilisent également en parallèle avec la règle des Ikhwan, hein, qui est de dire qu'il faut y s'unir sur les choses sur lesquelles on est d'accord, puis s'excuser sur les choses sur lesquelles on diverge, comme on en a parlé souvent. C'est la règle de Hassan al-Banna, et ça c'est une autre règle également une autre règle qui est aussi dans l'égarement, puisque on ne peut pas s'unir sur l'égarement, on ne peut pas s'unir sur ce qui est faux et sur ce qui est contraire à la vérité. Donc si on s'excuse dans l'égarement et dans les choses qui opposent la aqida, eh bien, c'est sûr qu'il y a un grand danger là-dedans et que les gens vont tomber dans le dalal, ça c'est clair. Une autre règle, le cheikh il dit, وَمِنْهَا مَا يُسَمَّ بِفِقْهِ الْوَاقِعِ لِإِعْلَاءِ مِنْ شَأْنِ أَهْلِ الْبَاطِلِ وَإِسْقَاطِ عُلَمَاءِ السُّنَّةِ وَالْحَقُّ بَعْدَ تَشْوِيهِهِمْ وَحُرْمَانِهِمْ مِنَ الْعَدْلِ الْمَزْعُومِ. Donc une autre règle aussi qu'ils ont ramenée, c'est l'idée que ceux qu'on doit écouter, c'est ceux qui ont la compréhension de qu'est-ce qui se passe dans le monde, qui comprennent l'actualité, qui suivent les informations, qui lisent les journaux, qui écoutent la radio, qui savent qu'est-ce que les koufars sont en train de comploter contre les musulmans. Et ça aussi c'est une autre règle qu'ils utilisent en parallèle avec la première pour dire aux musulmans, aux jeunes en particulier qui sont salafis, les savants que vous suivez, ils ont du ilm dans l'islam, mais ce ilm de l'islam c'est pas suffisant, il faut connaître aussi la réalité de qu'est-ce qui se passe dans le monde et comprendre l'actualité et ainsi de suite. Et ça, eux, ils ne l'ont pas. Donc, ceux qui vont vous donner cette science-là et cette compréhension de la réalité, c'est nos prêcheurs, nos penseurs, nos intellectuels, hein, nos théoriciens. Donc, écoutez-nous, nous, on va vous expliquer ces choses-là. Hein. On va vous clarifier les choses qui ont rapport avec la politique et avec la société et autre chose. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils rabaissent les ulama de la sunna et ils élèvent, encore une fois, les gens de bid'a, les gens de déviation, pour, encore une fois, attirer vers eux les jeunes et les musulmans en général et les éloigner des sources de la science et des ulama. Donc tout ça c'est des ruses en fait, c'est des complots, des règles qu'ils ont inventées pour arriver à leurs objectifs, et c'est comme ça qu'ils font. C'est comme ça qu'ils font. Il dit ensuite wa laqad waffaqa Allah al-akh Khalid ibn Dahawi al-Zufairi al-Talib bi qism al-aqida fi ad-dirasat al-ulya bil jami'ah al-islamiyah bil madinah an-nabawiyah li ikhtiyar janib muhim jiddan min jawanib himayat al-ummah wa aqaidiha wa manahijiha as-sahiha li yakuna saddan mani'an fi wajhi ahli dalal wal-batil kama kana saddan mani'an li aslaf khiyar hadhihi al-ummah kama kana saddan mani'an li aslaf khiyar hadhihi al-ummah fa'asha غالبية المسلمين في أمن واطمئنان من غوائل أهل البدع ومكايدهم. قام الأخ بتأليف وتنضيد كتابه القيم الموسوم بإجماع العلماء على الهجر والتحذير من أهل الأهواء. جمع فيه ما تفرق في شتى المصادر السلفية من أقوال أئمة الإسلام وسادتها ونبلائها في بيان خطر البدع والتحذير منها ومن أهلها والدعوة إلى مقاطعهم وهجرانهم وإلى مقاطعتهم وهجرانهم. تلك الأقوال العظيمة التي استفادت الأمة منها حين كان لمعظمها عقول واعية وأذان صاغية. Donc le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala a donné le tawfiq à notre frère le cheikh Khalid al-Zufairi, l'étudiant dans la section de Aqidah dans les études supérieures de l'université islamique de Médine, pour choisir un des côtés très importants parmi les domaines de la protection de la Ummah et de leur Aqidah et du manhaj qui est correct à suivre, pour que ce soit une barrière qui vienne protéger contre, ou qui se place en face des gens de l'égarement et du faux, et pour que ça soit également une barrière également, ou bien plutôt comme ça a été dans le passé une barrière pour ceux qui nous ont précédés parmi les meilleurs de cette Ummah. Et c'est pour cette raison là que les musulmans ont toujours vécu dans la sécurité et dans la sérénité, à l'abri des égarements des gens de bid'ah et de leurs ruses. Donc le cheikh Khalid a écrit ce livre qui est très qui est très bon, et qui s'intitule Le consensus des savants au sujet du fait de boycotter et de s'écarter et de mettre en garde contre les gens de la passion. Et dans ce livre, il a réuni des paroles de nos salafs et des imams de l'islam, de différentes sources, de différents livres, c'est-à-dire des paroles qui sont éparpillées dans différents livres. Il les a toutes réunies dans un seul livre pour expliquer le danger des innovations et l'importance de mettre en garde contre ces innovations et contre les gens de l'innovation, et l'appel à couper les liens avec ces gens-là et de les boycotter, de s'écarter d'eux. Et donc ça, c'est des paroles dont la Ummah a toujours profité lorsque la plupart d'entre eux, les musulmans, avaient encore logique, alerte, ils étaient alerte et qu'ils prêtaient oreille aux avertissements des ulama. نرجو لشباب الأمة في هذا العصر أن يتخلص من قبضة أهل الأهواء الحديدية التي صفدوا بها. أرجو لشباب المسلمين أن يهرع إلى الحق وغلوا أعناقهم وقفلوا أعينهم لكي لا تبصر الحق ولا ترى سبيل الرشاد. نرجو له الخلاص من هذه الدوامة المهلكة والحال الزرية ونسأل الله تعالى أن يتحقق ذلك. هذا وقد قام المؤلف بتقسيم كتابه إلى à la fin de cette introduction, il dit qu'on souhaite que nos jeunes, les jeunes de cette Ummah, réussissent à se débarrasser de la main de fer des gens de passion qui les emprisonnent et qui les empêchent de s'enfuir vers la vérité, et qui leur a mis un carcan sur le cou et leur a fermé les yeux pour qu'elles ne puissent pas voir la vérité et pour qu'elles ne voient pas le chemin de la droiture. Donc on souhaite qu'ils puissent se débarrasser de cette poignée qui les retient. Et le fait de lire ces paroles des salafs et de comprendre leur méthodologie, c'est quelque chose qui aide les gens à réaliser en fait la différence entre la façon dont nos salafs voyaient et comprenaient la religion de l'islam et la façon dont les gens de notre époque essaient de nous faire croire qu'est-ce qu'ils ont compris eux et qu'est-ce qu'ils pratiquent eux de l'islam. C'est ça qui est la réalité à propos de l'exemple de la religion de l'islam. Et vous allez voir avec ces exemples-là, au fur et à mesure qu'on va les lire ensemble, que ces gens-là sont des gens qui déforment la réalité de la religion. Inch'Allah. Donc l'auteur, il a divisé son livre en 4 chapitres. Une introduction et 4 chapitres. Le premier chapitre, c'est l'avertissement contre les gens de bid'ah. L'avertissement contre la bid'ah et les gens de bid'ah. Et il mentionne donc le danger de cette bid'ah. Dans l'introduction, il explique plutôt l'importance d'obéir à Allah et le messager, de s'accrocher au livre et à la sunna. Il mentionne les preuves de ça. Et ensuite, il y a 4 chapitres. Le premier, c'est d'avertir contre les bid'ah et les gens de bid'ah, et de mentionner le danger de ça. Et il donne des citations et des paroles des salafs à ce sujet-là. Et dans ce chapitre-là également, il y a la réfutation d'une shubha, c'est-à-dire la réfutation d'une ambiguïté que les gens de bid'ah essaient de propager, qui est de dire qu'il faut avertir contre la bid'ah elle-même, mais pas contre les gens de bid'ah. C'est-à-dire, si quelqu'un est sur une bid'ah, t'avertis contre cette bid'ah-là, ou contre son idée, mais pas contre la personne. Donc le cheikh, dans ce chapitre-là, il montre que c'est faux, qu'on avertit non seulement contre la bid'ah, mais contre la personne qui fait cette bid'ah et qui appelle à cette bid'ah aussi. Et il donne des exemples, parmi les exemples de nos salafs, qui ont averti contre les gens de bid'ah eux-mêmes, pas seulement contre la bid'ah qu'ils ont fait. Le deuxième chapitre, il parle du fait d'avoir de la dureté envers les gens de bid'ah, et il explique que ça, c'est quelque chose de louable. C'est pas quelque chose qui est blâmable. Parce que aujourd'hui, vous allez souvent entendre des gens qui disent « Ah, lui, il est trop dur. » Hein? Et ils disent ça comme si c'était un blâme, et on va voir que, au contraire, quand les ulama des salafs voulaient mentionner quelqu'un en bien et dire de lui des éloges, eh bien, parmi ces éloges-là, ils disaient, par exemple, « Kana shadidan ala ahli al-bid'ah ». Il était dur avec les gens de bid'ah dans le but de montrer son amour de la sunna et à quel point il était fort dans la sunna. Donc ça, c'est un exemple. Et ça, il mentionne des paroles à ce sujet-là pour répondre à, justement, ceux à notre époque qui essaient, que le fait d'être dur envers les gens de bid'ah, c'est quelque chose de blâmable et que c'était pas l'attitude des salafs. Hein. Donc, on va voir que ça, c'est tout à fait faux. Le chapitre numéro 3, il dit « Manhaj ahl sunnah fi mu'amalat kutub ahl al-bid'ah ». La méthodologie des gens de la sunnah dans la façon d'agir envers les livres des gens de bid'ah. Comment on doit agir envers leurs livres. Et il mentionne des paroles des salafs à ce sujet-là. Au sujet de l'avertissement contre leurs livres, l'avertissement et l'interdiction de regarder dans leurs livres qu'est-ce qu'il y a, ou de lire leurs livres, et même de les détruire. Hein. Et que celui qui détruit leurs livres, il n'a rien à payer. C'est-à-dire, il n'a pas de... il n'a rien à payer comme compensation pour avoir détruit ce livre. Puis on va expliquer les détails des règles qui s'appliquent à ça. Et le chapitre numéro 4, c'est le dernier, il parle du consensus des ulama au sujet de boycotter, de s'écarter et de couper les liens avec les gens de bid'ah. Et il explique que tous les savants, tous les salafs étaient d'accord sur ça et que c'est une obligation. Hein? Donc il mentionne les paroles de 30 parmi les ulama qui ont mentionné le consensus à ce sujet-là. Donc, ayant lu maintenant cette parole ou cette introduction, on peut commencer maintenant à lire l'introduction du livre elle-même, qui a été mentionnée par son auteur. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va lire les versets qu'il a cités au sujet de l'importance d'obéir à Allah et d'obéir à son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Il dit بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فإن الاعتصام بالكتاب والسنة والتمسك بهما أعظم أصول الإسلام ودعائمه العظام الذي من تركه ضل السبيل وأدى ذلك به إلى الهلاك فمن اعتصم بكتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم نجا وفاز وأمن الهلاك والضلال في الدنيا والآخرة. Donc après avoir mentionné Khutbat al-Hajja, le Cheikh commence en disant que le fait de s'accrocher et de se cramponner au livre d'Allah et à la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam, la personne qui fait ça, il s'est accroché aux fondements les plus grands et les plus importants de l'islam. Et celui qui s'est écarté ou qui a abandonné ça, il s'est égaré du droit chemin. Et cela a comme conséquence qu'il s'égare, il va vers la perdition. Celui qui s'accroche au livre de son Seigneur et à la sunna de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a certes été sauvé et il a eu la réussite. Et il a été épargné et protégé contre la perdition, l'égarement dans cette dunya et dans l'au-delà. Allah Azza wa Jal أمر في كتابه الكريم في غير ما موضع بالاعتصام بهما والتمسك بحبله وحبله هو الكتاب والسنة وأمر بطاعته وطاعة رسوله. الله سبحانه وتعالى dans son livre, dans plusieurs endroits, il ordonne de s'accrocher au livre et à la sunna, et il mentionne qu'il faut s'accrocher à son câble, et son câble bien entendu c'est le Coran et la sunna. Et il a ordonné d'obéir, de lui obéir à lui et d'obéir à son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Donc le cheikh énumère des versets à ce sujet-là, le verset 102 et 103 dans sourate Al-Imran. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. Allah سبحانه وتعالى dit ce qui signifie: ô vous qui avez cru, craignez Allah comme il mérite d'être craint et ne mourrez excepté qu'en étant musulman. Et cramponnez-vous tous au câble d'Allah et ne vous divisez pas. قال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. Verset 153 en sourate Al-An'am. Et voici mon chemin droit dans toute sa rectitude, alors suivez-le et ne suivez pas les sentiers qui vous diviseront de son chemin. Et voilà en quoi Allah subhanahu wa ta'ala vous enjoint pour que vous puissiez avoir at-taqwa, la piété. Le verset 69 dans surat An-Nisa, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وحسن أولئك رفيقا. Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie: et quiconque obéit à Allah et aux messagers, alors ceux-là seront avec ceux sur qui Allah a mis sa grâce, parmi les prophètes, parmi les véridiques, parmi les martyrs ou les témoins, et parmi les pieux et les vertueux. Et quelle belle compagnie que ceux-là, ou que celle-là. Et il dit également dans le verset 52 dans surat An-Nur, ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. C'est-à-dire, et quiconque obéit à Allah et à son messager et qui le craint, et qui a la piété, alors ceux-là sont ceux qui ont le succès. Il mentionne le verset 71 dans Sourate Al-Ahzab, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. Quiconque obéit à Allah et à son messager, il a certes eu le succès. Il a certes eu un succès qui est énorme. Le verset 132 dans Sourate Al-Imran: وَأَطِعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala dit: et obéissez à Allah et au messager pour que vous puissiez avoir la miséricorde. Et il mentionne le verset 59 dans Sourate An-Nisa, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: ô vous qui avez cru, ya ayyuha alladhina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa ar-rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika khayrun wa ahsanu ta'wila. Ô vous qui avez cru, obéissez à Allah, obéissez aux messagers et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. Et si vous divergez en quoi que ce soit, ramenez-le à Allah et aux messagers. Si vous croyez en Allah et au jour dernier, ce sera meilleur pour vous et d'une meilleure conclusion. Et il dit dans Surat Al-An'am, le verset 159, قال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala: ceux qui divisent leur religion et qui sont devenus des sectes, tu n'as rien à voir avec eux. Et il mentionne le verset 13 dans Sourate Shura, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ. Donc, dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie: Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré pour vous comme religion ce qu'il a enjoint à Noé et ce qu'il t'a révélé à toi, c'est-à-dire au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et ce qu'il a enjoint également à Abraham, Moïse et Isa, c'est-à-dire d'établir la religion et de ne pas vous diviser dans celle-ci, à son sujet. والآيات في أمر في الأمر بطاعة الله ورسوله والاعتصام بكتابه وسنة نبيه كثيرة جدا لأنها سبب الرحمة والفوز العظيم ودخول جنات النعيم المقيم. Donc tous les versets dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala il dit obéissez à Allah et obéissez aux messagers, ça signifie en réalité suivez le Coran et suivez la Sunna, et accrochez-vous au Coran et accrochez-vous à la Sunna, et donc c'est des ordres d'obéir à Allah et d'obéir à son messager et de s'accrocher à son livre et de s'accrocher à la Sunna de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça c'est très très nombreux dans le Coran. Pourquoi? Parce que c'est, en fait, c'est ça qui est la cause de la miséricorde, la cause du succès, et la cause qui nous fait entrer au paradis, dans les jardins des délices. وكذلك جاء الأمر من رسوله صلى الله عليه وسلم بذلك. عن العرباد بن سارية قال صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم وعزنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة زفرت منها العيون ووجلت منها القلوب فقلنا يا رسول الله إن هذه لموعظة مودع فماذا تعهد إلينا؟ قال قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وعليكم بالطاعة وإن عبدا حبشيا فإن المؤمن كالجمل الأنف حينما قيد انقاد. Le cheikh il mentionne donc ce hadith dans lequel le prophète le sahabi al-Irbad ibn Sariya dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah, nous a donné une exhortation qui a fait couler les larmes de nos yeux et qui a fait frémir nos cœurs. Et nous avons dit au messager d'Allah, cette exhortation, elle ressemble à l'exhortation d'une personne qui fait ses adieux. Alors, qu'est-ce que tu nous donnes comme conseil? Il a dit, je vous ai laissé sur la voie qui est claire, éclatante. Sa nuit est comme son jour. Et nul ne s'en écarte excepté quelqu'un qui va à sa perte. Et celui qui vivra après vous verra beaucoup de divergences. Alors, je vous enjoins de suivre ce que vous avez connu de ma sunna et de la sunna de mes successeurs bien guidés. Mordez dedans avec vos molaires et également je vous incite à l'obéissance, c'est-à-dire à l'obéissance du dirigeant, même si c'est un esclave éthiopien. Parce que le mu'min, il est comme un chameau docile. Là où on l'attache, il reste. Le croyant, il est comme le chameau qui est docile. Là où on l'attache, il reste, il ne bouge pas. Donc, c'est comme ça que le croyant doit agir envers son dirigeant. Contrairement à ceux qui appellent à notre époque à la révolte. Le cheikh il dit عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرضى لكم ثلاثا يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. Juste à ce sujet-là, yani, des fois il y a des gens qui ne sont pas musulmans qui entendent qu'est-ce qui se passe dans les pays arabes ou dans les pays musulmans de révolte et toutes ces choses-là, et puis ils prennent l'idée à partir de ça que l'islam c'est une religion de révolte, une religion de révolution et de trucs comme ça. Donc quand ils vont pour se convertir à l'islam avec des hizbines ou des choses comme ça, ils pensent que c'est ça l'islam. Et quand ils lisent les hadiths à ce sujet-là, ils les rejettent par la suite. Ils disent « Ah mais ça c'est quoi, c'est pas l'islam que j'ai imaginé ?» Parce qu'il s'est fait une image de l'islam selon qu'est-ce qu'il a vu à la télévision ou dans les médias, ou dans les journaux. Et donc, il se fait une idée totalement contraire à la réalité. Donc, c'est pour cette raison-là que c'est important de revenir au texte pour comprendre réellement qu'est-ce que l'islam signifie. Le cheikh il dit عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرضى لكم ثلاثا يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. Donc il mentionne ce hadith qui est rapporté par l'imam Muslim selon Abu Huraira رضي الله عنه, dans lequel le prophète صلى الله عليه وسلم dit que Allah est satisfait pour vous de trois choses. Il est satisfait pour vous que vous l'adoriez lui seul et que vous n'associez rien avec lui, que vous vous accrochiez au câble d'Allah tous ensemble et que vous ne vous divisiez pas, et que vous donniez à ceux à qui Allah a donné le pouvoir sur vous, l'autorité sur vous, le bon conseil et la sincérité. Donc ça c'est les trois choses. Et ces hadiths et ces versets, quand vous lisez les livres des salafs qui parlent des fondements de la sunna et ainsi de suite, c'est des versets et des hadiths que vous allez entendre à chaque fois. Vous ne pouvez pas vous échapper de ces versets-là et de ces hadiths-là. Et les ulama, ils les répètent, ils les répètent, ils les répètent, ils les répètent sans arrêt. Pourquoi? Parce que ces hadiths et ces ayats sont très très très importants pour comprendre l'islam. Et le fait de les répéter, de les répéter, de les répéter, ils deviennent, inshallah, enregistrés dans nos esprits. Et inshallah, ça fait en sorte par la suite que on les oublie pas et que on les comprend par la suite de plus en plus. Donc le cheikh il dit qu'il y a de nombreux hadiths à ce sujet-là. فمن وفقه الله واتبع ما جاء عن الله ورسوله وجعل الدليل نصب عينيه فإذا عرضت له أي مسألة أو حادثة ردها إلى الله ورسوله. قال أهل العلم والرد إلى الله هو الرد إلى كتابه والرد إلى رسوله هو الرد إلى سنته. وقد امتاز منهج أهل السنة بالعمل بالكتاب منهج أهل السنة والجماعة بالعمل بالكتاب وبما صح من السنة على فهم السلف الصالح. فعلى كل مسلم أن يلتزم هذا المنهج وأن يدين الله بما كان عليه سلفه الصالح. قال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونسله جهنم وساءت مصيرا. Donc, celui à qui Allah a donné le succès de suivre ce qui est mentionné de la part d'Allah et de son messager, sallallahu alayhi wa sallam, et qui a mis la preuve devant ses yeux, chaque fois qu'un problème ou qu'une question lui est présenté, il la ramène à Allah et à son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Les hommes de science ont dit, de ramener l'affaire à Allah, c'est de la ramener à son livre, et de la ramener à son messager, ça veut dire de la ramener à sa sunna. Et une des particularités du manhaj de Ahl al-Sunnah wal Jama'a, c'est justement le fait d'agir selon le livre et ce qui est authentique de la sunna, selon la compréhension des salafs salih. Alors, le musulman, il doit obligatoirement s'accrocher à ce manhaj et il doit adorer Allah subhanahu wa ta'ala selon ce que nos salafs, nos prédécesseurs pieux ont fait et suivre leur exemple et leur modèle. Le cheikh il mentionne le verset, quiconque fait scission avec le messager, ou s'oppose au messager, fait scission avec le messager, après que la vérité lui a été clarifiée, après que la guidance lui a été clarifiée, et qui suit autre que la voie des croyants, nous le laisserons se tourner comme il s'est détourné, et nous le brûlons en enfer. Et quelle mauvaise destination. Donc il faut suivre le messager et la voie des croyants. La voie des croyants, c'est la voie des sahaba, hein, et ceux qui les ont suivis dans le bien. وَقَدْ تَنَكَّبَ هَذَا الْمَنْهَجَ السَّلَفِي كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْبِدَعِ مِنْ أَهْلِ الْأَهْوَاءِ وَالْبِدَعِ فَهُمْ فِي شَقٍّ وَمَنْهَجُ السَّلَفِ فِي الشَّقِّ الْآخَرِ لا عملوا به ولا دعوا الناس إليه بل زادوا الطين بلة بأن نسبوا إلى المنهج إلى منهج أهل السنة ما هو منه براء. Donc il y a des gens qui se sont opposés au manhaj des salaf, parmi les gens de bid'a et de la passion, et donc ils se sont mis sur un versant tandis que les gens qui suivent le manhaj des salaf sont sur l'autre versant, hein, sur l'autre côté. Et c'est ça que ça veut dire le verset en fait, وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولِ, c'est en fait que eux ils se sont mis sur un côté opposé à celui qui du côté où il y a le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, c'est-à-dire les croyants. Et c'est pour ça que le verset dit, et quiconque fait scission, c'est-à-dire il s'est mis en opposition, il s'est séparé du messager sallallahu alayhi wa sallam et de la voix des croyants. Et donc celui-là, comme Allah dit dans le verset, Allah le laisse se détourner et il le brûlera en enfer. Donc ça c'est une menace sévère. C'est une menace sévère pour celui qui veut comprendre l'islam ou essayer de suivre l'islam d'une manière différente de celle des salafs. Ça veut dire que si tu veux suivre l'islam d'une manière qui est différente de celle des salafs salih, tu ne suis pas l'islam correct, tu ne suis pas l'islam, tu suis autre chose que le vrai islam. Et donc ils n'ont pas agi selon l'islam et ils n'ont pas invité les gens à l'islam, ils n'ont fait qu'augmenter de l'eau dans la boue, ils n'ont fait qu'ajouter de l'eau à la boue. Donc ils ont fait qu'empirer les choses et ils ont attribué au manhaj des salafs, au manhaj d'Ahl al-Sunnah, des choses qui n'ont rien à voir avec ce manhaj. قالوا من منهج أهل السنة ذكر الحسنات عند نقد أهل البدع. Par exemple, ils ont dit que lorsque tu veux critiquer les gens de bid'a, il faut mentionner leurs bonnes actions. Et le but de ça, comme j'ai dit, c'est pour faire en sorte que les gens de bid'a soient acceptés et soient élevés. قالوا حذر من البدع لا تحذر من المبتدع. Ils ont dit mets en garde contre la bid'a elle-même, mais ne mets pas en garde contre l'innovateur, contre celui qui fait la bid'a. وأن هجر أهل البدع ليس عليه دليل. Ils ont dit que le fait de boycotter, de s'écarter des gens de bid'a, il n'y a pas de preuve à ce sujet-là. وقرروا جواز قراءة كتب أهل البدع مطلقا وقالوا خذ الحق منها واترك الباطل. Une autre chose qu'ils ont dit, c'est que c'est permis de lire les livres des gens de bid'a de façon absolue. Donc prenez les livres des gens de bid'a, laissez de côté, prenez la vérité qui est dedans et laissez de côté le faux. Et bien entendu, yani, quelqu'un qui n'a pas de base ou qui n'a pas de ilm, il ne peut pas savoir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Comment il va faire pour distinguer? Hein? Donc ça ouvre la porte à la bid'a pour ces gens-là. Donc ils disent... À quelle heure je dois m'arrêter en fait? Ah ouais? Ok, d'accord. Bon, ok, c'est de toute façon, je suis à la fin. Donc, le cheikh il dit وَقَرَّرُوا جَوَازَ Ok, ça on l'a lu. وَأَنَّ هَجْرَ أَهْلِ الْبِدَعْ لَيْسَ عَلَيْهِ دَلِيلٍ Donc ils disent qu'il n'y a pas de preuve pour boycotter ou s'écarter des gens de bid'a. وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْكَذِبِ وَالْبُهْتَانِ عَلَى اللَّهِ وَعَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى مَنْهَجِ السَّلَفِ الصَّالِحِ Et d'autres également parmi les mensonges et les calomnies contre Allah et contre son messager, hein, et contre le manhaj des salaf al-salih. Donc il continue à inventer toujours des mensonges. فَأُدْلِي بِدَلْوِي فِي هَذَا الْبَحْثِ إِنْشَاءَ لتوضيح منهج أهل السنة في معاملة أهل الأهواء والبدع قسمت هذا البحث إلى أربعة فصول وهي الفصل الأول تحذير أهل السنة من البدع وأهلها donc ça je l'ai dit tout à l'heure. Donc le cheikh il dit donc dans cette recherche que j'ai faite, j'ai essayé de clarifier le manhaj d'Ahl al-Sunna dans la façon d'agir envers les gens de la bid'a et de la passion, et j'ai divisé donc le sujet en quatre chapitres. Et on les a mentionnés déjà. Donc, il dit ثُمَّ ذَكَرْتُ جَوَابًا لِشَيْخِ الْإِسْلَامِ فِي بَيَانِ أَنْوَعِ الْهَجْرِ وَضَوَابِتِهِ Il dit, dans le quatrième chapitre, il a expliqué également une réponse de Cheikh l'Islam à propos de Al-Hajr, le fait de boycotter les gens de Bid'a et de s'écarter d'eux, et les règles à ce sujet-là. Et il dit وَخَاتِمَا وَفِيهَا Donc dans la conclusion, il a résumé tous les résultats de la recherche et ainsi de suite. Et il termine par un dua. Il dit Wallah Azza wa Jal As'al an yanfa'a bi hadha al-bahth wa an yaj'alahu khalisan li wajhihi al-karim wa an yahdi shabab al-islam ila fahmi manhaj al-salaf al-salih wa wa'yihi wal-amal bihi وأن يقين شر أهل التحزب والفتن إنه على ذلك قدير وهو حسبي ونعم الوكيل وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Donc il dit, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse que cette recherche soit bénéfique et qu'il fasse qu'elle soit purement pour son visage et qu'il guide les jeunes de l'islam à la compréhension du manhaj des salaf al-salih et à sa compréhension et à son application, et qu'il nous préserve du mal des gens des gens qui suivent les groupes et qui veulent la fitna, qui veulent faire des fitanes, et il est certes celui qui a le pouvoir de faire cela, et il me suffit, et quel bon garant, et paix et salut sur notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et sur sa famille et sur ses compagnons. Donc on arrête ici inshallah, puis dans les prochains cours, donc le prochain cours on va commencer la première partie directement avec le premier chapitre inshallah. Subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum jazakumullahu khairan wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.